بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في المسألة الثالثة والثمانين ثالثة وثمانين Il se peut parfois que je, dans le nombre, je me trompe en lisant mal, à la place de voir 70, mais ça mène au 80, au contraire. Qad yahsoul hadha. Na'am. Al'afu minkum mizalik. Donc là, c'est 83e mas'ala. Et qui est la dernière mas'ala de surat Al-Anfal. يقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. Que ceux qui ont cru mais qui n'ont pas émigré, vous n'avez aucune alliance avec eux tant qu'ils ne font pas cette émigration, cette hijra. Verset 72, sourate Al-Anfal. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك وهي قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين ظاهرها العموم وظاهرها العموم. Donc il dit ce double verset démontre que celui qui ne fait pas la hijra, qu'il n'y a pas d'alliance entre lui et entre ceux qui ont fait la hijra. Mais pourtant, un autre verset est venu démontrer le contraire à cela. Lorsque Allah, dans le sens, il dit que les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres, c'est-à-dire dans l'absolu. Sur la Tawbah, verset 71. Donc cela démontre que l'hymen en soi est une cause justement d'alliance et que celle-ci est instaurée et permanente. Et cela est général, que cela concerne celui qui est émigré ou celui qui n'a pas émigré. قال الجواب من وجهين. Donc la réponse sous deux angles. الأول أن الولاية المنفية في قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء هي ولاية الميراث. Donc la première version qui a été donnée comme réponse. Le fait qu'il n'y ait pas d'alliance entre ceux qui ont fait la hijra et ceux qui n'ont pas fait, qu'il s'agit en fait, le sens de walaya veut dire quoi? L'héritage. C'est le fait d'hériter. Ay, ma lakum shay'un min mirathihim hatta yuhajiru, li'anna al-muhajirin wal-ansar kanu yatawarathuna bil-mu'akhat allati ja'alaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam baynahum. Faman mata min al-muhajirin warithahu akhuhu al-ansari dun akhihi al-mu'min allazi lam yuhajir, hatta nusikha dhalika biqoulihi ta'ala. C'est-à-dire que vous n'avez rien de leur héritage tant que vous ne faites pas la hijra, comme le dit l'auteur. Ou plutôt tant qu'ils ne font pas la hijra. Car les muhajirin à l'époque, ainsi que les ansar, s'héritaient les uns des autres par la fraternité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait mis entre eux. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait un sahabi parmi les muhajirines et parmi l'ansar, il mettait la fraternité entre les deux, un lien entre les deux. C'est-à-dire que celui qui mourait parmi les muhajirines, son frère parmi les ansar héritait de lui, ainsi que le contraire. En dehors de son frère qui n'a pas fait la hijra. C'est-à-dire que le muhajir qui venait à El-Médina, s'il venait à mourir, son frère des ansar héritait de lui, alors que son frère, l'année 200, s'il était resté à Mecca, qui n'avait pas fait la hijra, n'avait aucune part d'héritage. Puis cela a été abrogé dans sa parole où il dit que ceux qui ont le lien de parenté sont plus en droit les uns des autres, c'est-à-dire pour le droit d'héritage. Et à la fin même de cette même sourate, verset 75. Et également dans les Arzab, verset 6. قال هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة كما نقله عنهم ابن أبو حيان وابن جرير والولاية في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولاية النصر والمؤزرة والتعاون والتعاضد لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضهم بعضا كالجسد الواحد إذا أصيب منه عدو تداعى له سير الجسد بالسهر والحمى. Donc il dit cette parole-là qu'on vient de dire, c'est une parole citée par des Mufassirin, parmi Ibn Abbas, Mujahid, Qatada et d'autres. Car l'alliance, dans sa parole, ou dans le sens où Allah dit que les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres, c'est une croyance qui est un soutien, une entraide hein, et un renfort. Car les musulmans sont comme une construction, comme un édifice. Ils se renforcent les uns les autres. Comme un seul corps. Lorsque l'un d'entre eux est atteint, lorsqu'un membre est atteint, c'est tout le corps qui en souffre, qui ne dort pas et qui en est atteint par la fièvre. Et ces hadiths-là sont connus. وَعَدِ الْوَلَيَةُ لَمْ تُقْصَدْ بِالنَّفِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيَتِهِ مِنْ شَيْءٍ بِدَلِيلِ تَصْرِيحِهِ تَعَالَى بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ بَعْضَهُ يَلِيهِ وَإِنْ اسْتَنْصَرَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ. Donc il dit maintenant cette wilaya, walaya plutôt, avec fath al-waw, cette alliance là, ce n'est pas ceci qui est visé dans le verset. Car dans le même verset, par la suite, il dit quoi à Allah Azzawajal ? Que si jamais, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait la hijra, vous demandent le secours en religion, alors vous devez les secourir. Ce qui prouve que cette walaya, cette alliance de soutien, est toujours effective. Elle n'a pas été retirée par le verset cité précédemment. قال فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله ما لكم من ولايته من شيء على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر فظاهر أن الولاية المنفية غير المثبتة فارتفع الإشكال. Donc Allah a affirmé justement que cette alliance du secours entre eux est effective. Cela après qu'il ait dit que vous n'avez pas d'alliance entre eux. Et dans le même verset après par la suite, il dit que si jamais vous demandez secours ou quelque soutien en religion, soutenez-les. Donc cette alliance n'est pas celle du secours ni celle de soutien, cette alliance qui était niée dans le verset. Donc en ce point-là, il n'y a pas de problème par rapport au verset. Donc ça, c'était la première réponse. الثاني ومقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم أن معنى قوله ما لكم من ولايته من شيء يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال وعليه فلا إشكال في الآية. Donc il dit maintenant l'autre réponse, celle qu'a cité Ibn Kathir, en se servant du hadith rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Muslim, dont le sens dit que, en fait, cette alliance, on n'avait aucune alliance avec eux, c'est le fait que vous n'avez pas de part dans le butin de guerre, ni dans ce cinquième, hormis dans ce dont vous avez participé comme combat. Sinon, celui qui n'a pas fait la hijra n'a pas droit à une part de butin parmi les mu'minines qui sont restés en terre de Kufr. Donc il dit, avec cette réponse-là également, il n'y a pas de problème. Quand elle est wa la mania من تناول الآية للجميع فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم ونفي القسم لهم في المغانم والخمس. Donc il dit, il n'y a pas d'empêchement qu'on puisse lier également entre les deux causes dans le même verset, qu'il s'agisse qu'il n'ait pas d'héritage et également il n'ait pas de part de butin. Ça sortait dans le cas avant que le verset soit abrogé. Mais par la suite, le verset a abrogé, disant que même celui qui n'a pas fait la hijra, qui est un proche parent, il hérite toujours. Donc ça restera sur le call qu'il s'agit là du butin. Ceux qui n'ont pas fait la hijra n'ont pas de butin dans ce qu'auront acquis les musulmans qui eux ont fait la hijra et qui auront combattu. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillah bil alamin.